Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain ta partie relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain ta partie relève le défi. Chaque parole est un chemin, lorsqu'elle rend meilleurs les hommes qu'on fera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Qui cherche du taf, moi je me cherche bêtement. Je suis bêtement en train de me plaindre, retranché dans mon entêtement. On dit que demain t'appartient, mais demain c'est quoi? Demain c'est rien, tu sais, pour moi demain c'est loin. On vit au jour le jour, jusqu'au jour où on t'expulse. Vexé comme lorsqu'une ex t'exclut sans les excuses. Aujourd'hui nous fait du mal, faut que demain pardonne. Alpha, tu sois avec moi, ça change déjà. Vas-y, la donne. Vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. On peut encore, j'en suis certain, bâtir un empire pour les enfants qui naîtront demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Et je chante pour me libérer, te libérer, nous libérer. Je pense aux héritiers. Demain est entre nos mains. Demain t'appartient, et même si demain c'est rien, demain c'est à toi, car demain est entre nos mains. Demain t'appartient, je le sais, mais demain c'est loin. Demain ça peut être bien, demain est entre nos mains. Demain t'appartient, et même si demain c'est rien, demain c'est à toi, car demain est entre nos mains.